Et là, à ce moment-là, il y a un blocage. J'ai aucune réponse. Ben là, je me demande, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Vous posez des questions, vous m'envoyez des idées, puis là, je vous pose une question, vous ne voulez plus me répondre. Puis il n'y a rien qui se produit. Donc, je retombe encore à mon œil. Si tu veux, pour rendre conscient l'esprit d'intelligence. La communication. Communication. Parce que quand, à ce moment-là, il n'y en a plus de communication entre les deux et qu'il y a juste de l'information, je n'ai plus besoin de vous poser de questions. Techniquement, non. Si vous leur posez des questions, c'est parce que vous êtes encore dans l'esprit d'intelligence. Je n'en pose plus. Mais ça ne vous enlève pas le droit. Ça vous enlève pas le droit de leur poser des questions. Parce que c'est une relaxation, communiquer. Communiquer, c'est la chose la plus fondamentale de l'univers. Les esprits communiquent. Alors, l'homme est esprit. Alors, communiquer, il n'y a rien de plus fondamental dans l'univers que communiquer. Alors, communiquer, c'est plaisant. Seulement, c'est pas plaisant quand tu te fais charrier. Mais quand tu te parles comme du monde, communication, c'est très intéressant. Et quand tu te parles réellement comme du monde, autrement dit que tu es réellement dans l'intelligence, que ton esprit, l'esprit de ton intelligence ne fait pas interférence à l'énergie, à ce moment-là, tu as le pouvoir de connaître ce qui va se passer dans l'avenir. Tu as le pouvoir de connaître. Tu as une voyance. T'es dans le futur du présent, tu sais. Mais il ne faut pas que tu y sois attaché. Puis ils savent, eux autres, si l'esprit de l'intelligence est attaché à l'information qui vient de l'intelligence.